Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Rêver d'étoiles avec le CNES, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Jean-Philippe Navarre. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, a 60 ans en 2021 et que ça nous a donné envie d'aller faire un tour dans l'espace pour raconter cette histoire qu'on connaît parfois trop mal. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, une fusée, Astérix le satellite, Kourou, la guerre froide, une poignée de main dans l'espace et un astronaute dans la station internationale qui élève des blobs dans l'espace. Mais pour commencer, deuxième épisode, c'est l'heure du défi. 1966. Ici, les jardins de l'Elysée, où le général de Gaulle assiste en ce moment à un défilé de la garde républicaine en grande tenue. En effet, ce matin, c'est une cérémonie tout à fait exceptionnelle qui se déroule. Ici, le chef de l'État, témoignant tout l'intérêt qu'il porte à la recherche scientifique, technique et surtout spatiale, a tenu à décorer personnellement les ingénieurs, civils et militaires, qui ont réussi le lancement de la fusée Diamant et aussi la mise sur orbite du premier satellite français. Le chef de l'État regagne en ce moment, accompagné de messieurs Perfit, Bourges et Mesmer, le salon des ambassadeurs. Tout ce monde pluridisciplinaire commence par une chose, une fusée. Si on a mis le pied sur la Lune en 1969, c'est notamment parce qu'il y avait la guerre froide. Et si on a réussi à faire marcher les fusées, malheureusement, c'est parce qu'il y avait des V2. Donc le général de Gaulle a voulu affirmer la puissance de la France à travers un certain nombre de leviers, le nucléaire par exemple, mais aussi donc le programme spatial pour s'affirmer. Élève ton blob dans l'espace. Jean-Philippe Navarre, Lydia Ben-Itzrak. Le CNES n'est pas né du jour au lendemain. Jacques Arnoux. Déjà pendant la guerre, de manière extrêmement discrète, voire secrète, et immédiatement après la guerre, des ingénieurs français, militaires, civils, dans différents laboratoires, avaient commencé à penser à l'élaboration, à la mise au point de fusées. Dès la fin du conflit, différents groupes d'études réfléchissent à la possibilité de se lancer en France dans un programme spatial. H-30 secondes. Jean-Baptiste Desbois. Au départ, le spatial français était géré par les militaires, le CEREB, qui a fait les premiers lancements de fusées depuis les bases de ce qui était encore l'Algérie française à ce moment-là, et puis qui en 62 est devenu l'Algérie indépendante, mais avec une base qui restait française encore quelques temps, louée à l'Algérie, qui est donc à Maguire. Lorsqu'en 1961, le patron d'une de ces commissions, Pierre Auger, présente ces différents éléments au président, donc à Charles de Gaulle, défendant l'intérêt d'une agence spatiale française, enfin d'une indépendance française. Charles de Gaulle se tourne vers son ministre des Finances et lui dit « Mais est-ce que ça va coûter cher ?» Et on lui dit « Non, pas trop », ce qui est une réponse assez étrange quand on connaît le coût des affaires spatiales. Et donc de Gaulle dit « Allons-y ». Le général de Gaulle décide la création, effectivement, d'un institut national dédié au spatial pour une affirmation de puissance et rassembler les forces vives de la France. L'un de nos fondateurs, Jacques Blamont, quand il rassemble ses premiers ingénieurs autour de lui, donc dans cette toute jeune agence spatiale, notre toute jeune CNES, va en envoyer immédiatement un certain nombre aux États-Unis, en leur disant il faut acquérir des compétences technologiques pour pouvoir les développer sur le territoire français, et en même temps, il faut développer un réseau de coopération, mais en termes de relations humaines. Il était très attentif à ce que les gens se rencontrent et créent une fidélité, des amitiés, parce que c'est aussi là-dessus qu'allaient se construire les programmes nationaux et les programmes internationaux. La France était aussi une des premières nations à franchir assez régulièrement les rideaux de fer, ou son équivalent, pour aller coopérer avec nos homologues soviétiques. Et c'est ce qui a permis, donc, en novembre 1965, ce fameux lancement d'Astérix avec la fusée Diamant A, la base d'Amaguir, d'où ils sont partis, les fusées Diamant, et donc le premier satellite français, donc Astérix. La France est donc bien engagée maintenant dans la grande aventure spatiale. Elle le doit à tous ces jeunes chercheurs, dont la plupart n'ont pas 30 ans, à la collaboration aussi des armées et à leur important matériel. Bientôt donc, de nouveaux bip-bip français retentiront dans l'espace. Ça a permis à la France d'être la troisième puissance au monde à réussir à mettre en orbite un objet dont le général de Gaulle a décidé le nom. Il s'appelait normalement A1 pour Armée 1, On sait que c'était à sa manière et à l'époque un certain communicant, le général de Gaulle. Et donc, il a choisi donc le nom d'Astérix. Et donc, Astérix, le 26 novembre de mémoire 1965, Astérix est mis en orbite. Astérix, en l'occurrence, n'est plus actif, mais tourne toujours au-dessus de nos têtes. Astérix. Comment le décrire ? C'est une sorte de bidon, de barrique technologique, on va dire ça comme ça. L'usage était très simple, c'était envoyer un bip. Aujourd'hui, un satellite de ce type-là nous ferait de la télécommunication, nous ferait de l'analyse météo, de l'observation de la Terre ou autre. Mais donc c'était pour répondre à Spoutnik ? C'était pour montrer qu'on savait le faire. Le CNES a eu cette responsabilité de faire naître un écosystème avec les scientifiques d'un côté. Sylvestre Maurice. Les industriels. On a fait quelques gros, puis il y en a plein de petits. Le monde académique, parce qu'il va bien falloir éduquer pour les industriels, pour les scientifiques. Et puis, on a aussi besoin, par exemple, du monde culturel. On a besoin de faire naître la Cité de l'Espace à Toulouse. L'espace, c'est pas qu'une agence, c'est pas qu'un scientifique. L'espace, c'est multiple, parce que tout ce qu'on peut faire dans l'espace est énorme. Et puis, les militaires ont leur rôle. D'abord, la fusée, avant qu'elle aille dans l'espace, elle va chez le voisin. Roland Le Houx. Les premières fusées ne sont pas là pour aller dans l'espace. Les V2 sont des armes de vengeance. Le V en allemand signifie vengeance. C'est vraiment l'idée que l'on a une arme qui permet de frapper l'ennemi à distance impunément. Enfin, la lance est déjà mieux que l'épée. Ces fusées V2 qui ont été pour partie récupérées, même l'essentiel était récupéré par les Américains, ont donné lieu à tout un pan de développement de missiles balistiques aux États-Unis et du côté russe, du côté soviétique aussi. Et aussi à développement scientifique. Il y a eu un certain nombre de V2 aux États-Unis qui ont été utilisés pour envoyer des détecteurs scientifiques et commencer l'étude de la très haute atmosphère, éventuellement l'observation de la Terre ou du ciel, avec dans l'idée que si vous êtes en altitude, c'est tout à fait pratique de regarder le sol depuis l'espace, surtout si vous avez des questions de défense. Jacques Blamont aimait à dire sous forme un peu de provocation, mais c'était son style, que sur le pâtir d'Amaguir, donc en Algérie, donc l'un des pâtirs historiques de la France, on parlait allemand, pour nous rappeler précisément que nous avions, nous aussi, profité de la compétence des ingénieurs allemands. Alors, c'était pas von Braun, c'était pas les meilleurs, en tout cas, aussi bien les fusées d'Amaguir, donc les Véroniques, les pierres précieuses, enfin, le diamant, qu'Ariane ensuite, dans un cadre cette fois européen où les Allemands avaient encore plus leur place, il y a effectivement toute cette incroyable expertise et compétence que von Braun et ses équipes ont réussi à rassembler, à expérimenter à Peenemünde pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, par la bouche d'un éminent spécialiste des fusées, le professeur Werner von Braun. Le professeur von Braun dirige actuellement les services de recherche sur les engins téléguidés à l'arsenal de Red Stod, Alabama. Devant les élèves d'un institut polytechnique, le professeur Braun vient d'affirmer qu'aussitôt après les premiers lancements de satellites artificiels, de nouveaux engins plus volumineux seront envoyés dans l'espace. Puis a-t-il déclaré, l'homme lui-même voudra essayer du vol en orbite, ce qui ne pose aucun problème fondamental. Les premières stations orbitales imaginées, notamment par Hermann Oberth, un des pionniers de l'astronautique mondiale, dont le père scientifique de Werner von Braun, qui a été capturé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est le père des fusées Saturn V, mais aussi des V2. Donc Hermann Oberth imaginait des stations orbitales déjà dans les années 1930 et un des objectifs de ces stations orbitales, parmi d'autres, l'étude de la météorologie, le suivi des navires, permettrait aussi de regarder les mouvements de troupes, de regarder ce qui se passe dans les différents pays. Donc il ne faut pas du tout oublier que l'espace, son développement est très fortement lié aux questions de défense. Et c'est si vrai que le budget spatial de défense américain est bien supérieur à celui de la NASA, qui pour nous Européens reste déjà un budget tout à fait considérable si on le compare au budget de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. Charles de Gaulle, who is carefully watching a rocket launch at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. En 65 ou 66, Charles de Gaulle est le premier chef d'État à visiter Baikonur, donc le célèbre site de lancement soviétique. Un lieu qui était tellement secret que le nom de Baikonur était en fait le nom d'une localité qui était à plusieurs centaines de kilomètres du site spatial proprement dit pour brouiller les pistes. Et là, de Gaulle est invité officiellement, arrive à Baïkonour, et puis, histoire de lui montrer que les soviétiques sont quand même, font le travail en tête, on procède le même jour à deux lancements de fusées, dont en fait un missile intercontinental. Il y a des textes très intéressants dans ce que peut dire De Gaulle lors de sa visite ou avant sa visite, en disant, bon, nous ne devons pas être naïfs. Nous allons pour établir une coopération en gardant notre propre indépendance, notre propre souveraineté. Et cette coopération, aussi bien d'ailleurs avec les Soviétiques, aujourd'hui avec la Russie, avec les Américains, n'a jamais cessé depuis, avec tous les hauts et les bas que nous connaissons dans la diplomatie générale, mais avec quand même cette particularité, et aujourd'hui la Station spatiale internationale en est un symbole, c'est que, quelles que soient les difficultés entre les pays sur Terre, et en 60 ans, il y en a eu beaucoup, eh bien, la coopération s'est poursuivie. Il y a des projets. Aujourd'hui, c'est de faire voler une station spatiale internationale, de l'exploiter, de faire en sorte que les astronautes, les cosmonautes, eh bien, vivent, mènent leurs expériences. Et tout ça, ça veut dire qu'au sol, les équipes sont capables de coopérer, quelles que soient les tensions diplomatiques. Et une fois encore, elles ne manquent jamais, malheureusement. C'est avec vous, en fait ? Vous avez déjà par télépathie, vous avez Je pense que c'est pour le CNES. C'est pour rencontrer M. Christophe Bonal. C'est ça. Donc ça, c'est mes papiers. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bon. Il faut que vous récupériez vos badges, s'il vous plaît. Tout bon. Un petit test psychotechnique pour voir si on peut voler dans l'espace ou pas. Et... Voilà. Il y a encore un truc qui vous est tombé. Pour vous, ce sera facile. Pour vous, c'est un peu plus dur. Il va être obligé de se déshabiller entièrement, non ? Et là, tout de suite, à gauche. C'est quoi ? C'est le moteur du troisième étage d'Ariane 5. Donc là, il faut passer ici, attendre un petit peu. D'accord. Et entre les deux portes, pas trop bouger. Ah, oui. Ok. Je tente alors. Allez-y. Donc, je vous propose là. La salle de direction. Waouh ! Il y a des grosses décisions qui ont été prises ici ? Ah, tout se décide ici. Le CNES fête ses 60 ans. Bon anniversaire, hein, Christophe Bonal. Merci, merci. Qui aurait cru qu'un jour, on aurait un Thomas Pesquet, un astronaute français qui allait décoller avec Elon Musk ? Il y a eu pas mal d'évolutions. Hein. Donc, c'est-à-dire, qui aurait cru qu'il y aurait un astronaute ? Les premiers astronautes ont été quand même des gestes politiques. Jean-Loup Chrétien, qui est parti avec les Soviétiques à l'époque, et c'était le PVH, premier vol habité français. C'était vraiment un deal qui avait été signé par De Gaulle, hein, je crois. Donc là, il y avait vraiment une notion de politique forte. Et pendant longtemps, le vol habité a été politique. Et il a fallu attendre la démocratisation, l'accès à l'espace facilité, et surtout cette conscience, cette prise de conscience qu'il y a tellement de choses à faire au niveau scientifique pour du vol habité en orbite, que là, les mentalités ont changé, les genres ont changé. Hein. Par exemple, je pense à Jean-Jacques Favier, qui était un de nos très grands astronautes formidables, qui est un docteur en physique avancé au CEA à Grenoble. Bon, voilà le genre d'astronaute évolué, si vous voulez, qui est vraiment là pour faire de la science en orbite. Pendant longtemps, on se disait, bon, ce qui compte, c'est bien d'avoir l'astronaute en orbite. Savoir comment il y monte, ou avec qui, ou est-ce que c'est avec les Américains, les Russes, ou voire même les Chinois, bon, c'est pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est de l'avoir là-haut. Jusqu'à maintenant, les moyens de lancement étaient des moyens étatiques. Donc les Soyouz des Russes, ou la navette américaine pendant longtemps. Et là, maintenant, ça change. Tout simplement, la NASA achète un service de lancement auprès de SpaceX. Il achète un taxi, quoi. Et encore, il loue un taxi pour envoyer les astronautes en orbite. Et ça, c'est quand même un changement majeur. C'est vraiment, alors, démocratisation, je ne sais pas, mais c'est vraiment une ouverture vers l'espace utile, direct, plus facile qu'avant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une tellement bonne nouvelle que, en Europe, en ce moment, on est en train de considérer très sérieusement la possibilité de développer notre propre système de lancement de vol habité sur Ariane 6. Donc si les décisions sont bien prises et tout, ça pourrait voir le jour vers 2028-2030. Et donc Thomas Pesquet partirait de Guyane. À 10 000 km de la France, sur 90 000 km², voici la jungle guyanaise. 1968. C'est là, au bord de la mer, à 60 km au nord de Cayenne, que le Centre National d'Études Spatiales a décidé d'implanter le Centre Spatial Guyanais. Champ de tir entièrement civil pour les expériences spatiales françaises. Pourquoi cet endroit? Parce qu'il a une situation remarquable, tout près de l'équateur. Grâce à l'appui donné par la rotondité de la Terre, par la vitesse de rotation de la Terre, on peut gagner 20 à 30% de charges supplémentaires sur orbite. En plus, liberté de tir totale vers l'est, puisqu'il n'y a que l'océan Atlantique. Et d'autre part, c'est une région calme climatiquement, à l'abri des tornades et des ouragans. La décision de construction a été prise en 1964, les débuts des travaux en 1966. Voici pour la ville de Kourou, où nous en sommes aujourd'hui. C'est maintenant une ville de plus de 3000 habitants. Dans 2 ans, elle en aura 10 000. C'est un véritable pari. Il ne faut pas oublier que, par exemple, les premiers à avoir privatisé l'espace, c'est nous. Hein, c'est avec Arianespace, en 1980-82, on a créé une société privée de commercialisation d'accès à l'espace. Hein, alors, elle a commencé en étant une filiale du CNES, mais après, elle s'est libérée de la tutelle du CNES. Ça a été la première société commerciale privée de services en orbite. Et c'était très original, les Américains ne l'avaient pas fait encore. Et c'est quelque chose, ça nous a permis d'avoir à un moment, on avait 80% du marché mondial commercial. On a coutume de dire que Elon Musk fait ce qu'on a fait 40 ans plus tard, quoi. Et donc, à nouveau, au niveau CNES, on est national. C'est l'agence nationale, c'est l'agence régalienne gouvernementale. Par contre, nous mettons la quasi-totalité de nos activités au niveau européen ou international. Nous avons des satellites développés avec les Chinois, avec les Russes, avec tous les pays. Je pense que si vous citez un pays au hasard, il y a toutes les chances qu'on ait une belle coopération avec eux. Et donc là, ça, c'est très sympa, c'est très agréable, hein, pour les agents du CNES, en tout cas. C'est un esprit de coopération très, très forte. Alors après, coopération, c'est pas un monde de bisounours, hein, donc c'est coopération. On sait bien quels sont les domaines dans lesquels il y a de la compétition, hein, et de la recherche, de manière à être un peu en avance et autres. Et donc, on a nos domaines de recherche, mais globalement, on ne se décline que en international. Hein. Après, ça dépend des pays. Hein, quand même. Il y a des pays, les États-Unis, la Russie, la Chine, ils ont des activités militaires, spatiales très, très importantes, avec des budgets qu'on a du mal à imaginer. Et bon, voilà. Du côté européen, c'est bien plus faible, hein, naturellement. Nous avons quelques beaux satellites militaires français, notamment d'observation de la Terre, de télécommunication. Si vous voulez, même un satellite militaire, vous pouvez le faire en coopération avec vos alliés, avec vos collègues, avec l'Australie. Ça m'a échappé. Au tout début de l'exploration spatiale, donc on était en pleine guerre froide. Hein. Donc c'est ce qu'on appelait la conquête spatiale, avant 1975. Florence Porcel. Et donc il y avait cette guerre froide entre deux blocs, le bloc américain et le bloc soviétique. Et il se trouve qu'une mission avait été mise en place pour réconcilier ces deux blocs qui se faisaient la course, notamment dans l'espace. C'est la mission Apollo-Soyouz, donc Apollo du côté américain, Soyouz du côté russe. Et il avait été décidé qu'un vaisseau Apollo, donc américain, et un vaisseau Soyouz, donc soviétique, s'amarreraient l'un à l'autre dans l'espace pour ouvrir une écoutille entre les deux vaisseaux pour que les deux astronautes des deux nations se fassent une poignée de main dans l'espace. Donc évidemment, symboliquement, c'était assez extraordinaire. Leonov, le fameux piéton de l'espace, discutant avec Stafford. Normalement, ce sont ces deux hommes qui se rencontreront le 17 juillet. Mais c'est posé un problème du système d'amarrage pour amarrer les deux vaisseaux. Jusqu'ici, les systèmes d'amarrage étaient très simples. Il y avait une prise mâle et une prise femelle. Comme une prise électrique, hein, tout simplement, on met un machin dans un truc. Bon, impossible de décider qui serait la prise mâle et qui serait la prise femelle, parce que être la prise femelle, ça aurait été évidemment très dégradant. Donc les ingénieurs ont mis au point un système d'amarrage androgyne pour ne pas froisser les égos des uns ni des autres. Donc le système d'amarrage androgyne a été mis au point pour cette mission qui s'est faite en 1975. Diplomatiquement, tout le monde était content, la mission a pu se faire, et il se trouve que la poignée de main s'est faite au-dessus de Metz, et ce qui a signé la fin de la guerre froide dans l'espace entre les Américains et les Soviétiques, grâce à un système d'amarrage androgyne. Leonov. Il y a une science qui regarde vers la Terre, ça je m'en occupe pas, c'est la science qui est très très importante parce que c'est elle qui va alimenter tous les indicateurs qui permettent de quantifier le changement climatique par exemple. Et puis nous, ce qui va nous intéresser, c'est la science qui regarde vers le haut, ces satellites qui sont souvent en orbite autour de la Terre des télescopes. Télescope infrarouge, télescope X, ultraviolet, etc., dans toutes les longueurs d'onde, et puis les sondes interplanétaires. Sylvestre Maurice. Et donc, on travaille dans nos laboratoires, qui sont très communément des laboratoires du CNRS et des universités. Le CNRS étant national, les universités sont plus locales. Évidemment, toujours avec le CNES, parce qu'on a besoin de cet accès à l'espace. Ici, si on est au CNES, c'est parce que l'agence spatiale nous garantit l'accès à l'espace et puis nous permet de fonctionner et maître d'ouvrage de tout ce qu'on fait. Eh bien, on va comme ça aller construire des sondes, des télescopes pour explorer. Et c'est notre métier dans nos laboratoires. Alors souvent, les sondes, très souvent, sont faites dans des industries. Les gens ont l'impression qu'on découvre le privé dans l'espace, mais enfin, le privé, il y a très très longtemps qu'il existe. Et en Europe, on fait faire nos satellites par des grandes entreprises qu'on appelle des primes, on leur a donné un petit nom, qui sont à Toulouse, par exemple, soit Thales, soit Airbus, et qui font les véhicules. Et sur les véhicules, on va mettre des instruments. Et on a souvent pensé que les instruments produisent la donnée et qu'on ferait la meilleure exploitation de la donnée si ceux qui l'exploitent construisaient aussi les instruments. Et donc dans nos laboratoires, et c'est pour en venir, quelle est notre fonction, on regarde vers le haut l'univers et dans sa composante la plus proche les planètes et on construit des instruments qui vont être embarqués sur des sondes commandées par les agences spatiales. Donc c'est ça le rôle des scientifiques, c'est de créer une problématique. Je veux mesurer, par exemple, je veux comprendre comment les calottes rétrécissent. Et puis, de créer l'instrumentation qui va avec. Et puis ensuite, récupérer les données, puis essayer de répondre à la question qu'on s'est posée. Je crois que ça a été un des pionniers, effectivement. Oui. Nicolas Berthaud. De cette observation spatiale. Et puis, maintenant, on a un programme complet, Copernicus, qui envoie des sentinelles régulièrement pour observer. Un sentinelle, c'est le nom des satellites. On a le Sentinel 3 à taille réelle à la Cité, et donc ça observe régulièrement sous différentes bandes d'observation de la Terre. On peut regarder dans l'infrarouge, on peut regarder au rayon radar. Et puis on observe la Terre régulièrement pour donner des informations sur l'évolution de notre planète sur un long cours, et puis aussi lorsqu'il y a une catastrophe par exemple. Donc c'est un œil depuis l'espace sur la Terre. Vous avez un schéma derrière nous qui vous montre, je vous le disais, effectivement les différentes orbites avec lesquelles on peut envoyer un satellite. Alors, ce qui me paraît toujours curieux, c'est qu'effectivement, celui qui nous donne la météo, c'est le plus loin. Il est à 36 000 km de distance. Il est tout rond, Météosat. Et les Sentinelles, ils sont un peu plus au-dessus de la station spatiale, aux alentours de 600-400 km. Imaginons qu'on veut regarder, faire une cartographie de la Terre depuis l'espace. Donc, on a une image devant nous, rouge. Qu'est-ce que vous voyez, vous, devant vous ? Mais ça peut être la déforestation, hein. Ça peut être l'Amazonie avec les routes qui sont dessinées et puis ça commence à déforester en arborescence comme ça. Ce que vous me dites, c'est effectivement ça, les axes de communication, et on les voit déjà apparaître. Alors là, c'est dans les années 90 que cette photo a été prise, et donc là, la différence. Ah oui, c'est le résultat, il n'y a plus d'arbres. L'idée, l'intérêt d'avoir mis en rouge, c'est que la bande spectrale, c'est comme ça qu'on dit, la manière d'observer nous permet d'identifier seulement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire là, effectivement, c'était la végétation. Quand on n'a plus de végétation, ben, le rouge disparaît et on voit effectivement qu'autour des axes routiers, on a beaucoup de taches blanches qui apparaissent. Et donc, c'est une des utilisations que peuvent nous donner les satellites d'observation de la Terre et qui continuent à observer la Terre depuis des années, quoi. Et la France et l'Europe, à travers le programme Copernicus, fait partie des leaders mondiaux de l'observation de la Terre. Et il faut savoir que le GIEC a 50 indicateurs majeurs, dans lesquels 26 des indicateurs proviennent du monde spatial. C'est-à-dire, sans satellite, nous n'aurions pas un certain nombre d'informations, par exemple la hauteur des océans ou la hauteur des vagues, donc le niveau de l'eau, la composition du nuage pour certaines particularités, la déforestation, ce qu'on vient de montrer. Donc il y a un enjeu fondamental de ce côté-là, et la France est totalement en pointe dans ce domaine-là, et notamment Toulouse sur la partie océanographie. Jean-Baptiste Desbois. Peut-être un mot sur Galiléo. Galiléo, c'est le système de géolocalisation européen. Autrement dit, tout le monde parlait du GPS jusqu'à présent. Le GPS est américain. On aurait pu dire on se satisfait du GPS. Et là, on revient totalement à ce qu'on disait au tout début sur la dimension de la souveraineté. La souveraineté, si vous êtes dépendant d'informations qui viennent d'un pays étranger, fut-il ami, vous pouvez avoir des incidents. Voilà. Donc vous avez besoin de maîtriser totalement pour vos activités de tous les jours, les activités militaires, les activités qu'on offre aux citoyens. Vous avez besoin d'une souveraineté nationale, de la maîtrise de votre géolocalisation, d'où le programme européen Galiléo, qui d'ailleurs a été déployé ensuite pour les avions. Aujourd'hui, c'est une évidence d'utiliser un portable, c'est une évidence de prendre l'avion et de ne pas voir tout ce qui se passe en arrière-plan. Mais sans le spatial, beaucoup de choses ne fonctionneraient pas. Si vous avez coupure communication de tous les satellites aujourd'hui, je pense qu'on a un blackout total sur Terre. Donc en fait, le spatial fait partie de notre quotidien, même si c'est quelque chose de très loin. Et donc c'est aussi ce qu'on essaie d'apporter à la Cité de l'Espace, de leur dire que c'est quelque chose de très concret. Alors, dans pas longtemps, on a 3-4 jours qui parlent des Copernicus Days. Et on va parler avec ça des enfants, on a des ateliers pour leur dire un satellite, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il t'apporte? Comment tu pourrais toi l'utiliser au jour le jour si plus tard tu travailles dans la pêche, si plus tard tu travailles à Airbus, etc., etc. Ce que je disais aux enfants ce matin, ils étaient assez impressionnés, ils me disaient mais du coup les satellites, là j'en vois, il est gros, pourquoi je ne le vois pas depuis l'espace? C'est quand même très loin. Vous voyez des satellites tous les soirs, si vous vous allongez dans l'herbe, actuellement, il y a plein de petits points blancs qui passent à travers le ciel, qui mettent quelques minutes à passer, on voit souvent l'ISS aussi. Donc ça fait partie de ce spatial que je puis toucher depuis mon quotidien. Donc là, on est à la Cité de l'Espace à Toulouse et il y a une grande effervescence parce qu'on va entrer en communication directe avec Thomas Pesquet. Des groupes scolaires et leurs enseignants ont préparé des questions qu'ils vont poser en direct sur la Station Spatiale Internationale. On va parler beaucoup de biodiversité, on va beaucoup parler de réchauffement climatique avec Thomas. À 400 km d'altitude, il a un regard tout à fait particulier sur la Terre et c'est un observateur fin de notre planète et de sa fragilité. Il est 15h passé, nous nous approchons de plus en plus des 15h45. Vous en souvenez, 15h45? On va voir la NASA, l'ESA qui va être à l'oreillette et me dire tout ça, donc je vais pas louper. Hein. Vous inquiétez pas. Alors ce qu'on a envie de faire maintenant, parce que quand même tous là, qui êtes là, qui regardez cet événement là cet après-midi, vous avez tous travaillé sur un projet, une expérience éducatif qui a été embarqué par Thomas Pesquet dans le cadre de la mission Alpha, c'est le projet Élève ton blob. Et à quoi ça ressemble un blob pour quelqu'un qui aurait jamais vu de blob de sa vie? C'est jaune, ça se déplace comme des sortes de veines en fait. C'est comme des veines jaunes qui se déplacent en fait. C'est un organisme qui n'a pas de cerveau, c'est ni un champignon, ni un animal, ni un végétal, mais c'est quand même dans cette catégorie. Mais ça n'a pas été qualifié comme ça. C'est un être unicellulaire. Voilà. Vous lui avez donné un nom? Non, on a gardé le nom d'origine, blob. Tout le monde a un blob chez lui qu'il a élevé? Oui. On les a surtout multipliés et nourris pour qu'ils se reproduisent et on a fait des expériences dessus. Là, vous venez de quel établissement scolaire? Lycée La Découverte de Casseville. Et donc, quelle taille fait votre blob en ce moment? Mais on le met dans une petite boîte ronde qu'on appelle gélose, mais après il peut être plus grand, je sais pas, fait la taille de la boîte ronde, donc 10 cm je pense. Il peut être plus petit parce que comme on les découpe après pour les remettre dans des boîtes, on peut faire des morceaux plus petits ou plus grands. Et qui est-ce qui a fait mourir son blob? Moi. Oui. Oui, on a fait mourir notre blob. Il est mort quoi, enfin il est tout sec, il bouge plus. Il est reparti à sclérose, je sais pas quoi. Oui. Ils survivent encore quand ils sont tout secs en fait pendant 2 ans? Oui, parce que s'ils sont endormis en fait, du coup ils survivent. Du coup il est pas totalement mort, mais il est pas totalement en vie non plus. Et vous leur avez donné quoi à manger? Des flocons d'avoine. Après on peut faire une expérience qui s'appelle cafétéria où on peut donner des trucs, enfin, genre par exemple de la banane, tout ça autour du blob pour voir si, ce qu'ils préfèrent manger ou pas. Et on a fait les expériences aussi qu'ils proposaient et que Audrey Dussutour aussi proposait. Celle avec le colorant aussi et celle du réseau de la carte de France aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les expériences, en quoi ça consiste exactement? Par exemple, pour la carte de France, on met une partie de blob sur la ville de Paris. Et en fait, sur chaque grande ville de France, on met un flocon d'avoine. Et on voit comment est-ce que le blob va aller sur les flocons d'avoine pour les manger. On compare avec les réseaux de routes ou autres de France pour voir comment est-ce que lui, il s'adapte. Et... comment il résout en fait les problèmes de trajectoire et s'il arrive à optimiser? Oui, voilà. Si vous dites que c'est la capacité à résoudre des problèmes, oui, le blob est intelligent. Audrey Dussutour. Puisqu'il est capable de trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe, il est capable d'optimiser des réseaux mieux que nous. Il est capable d'apprendre, de transférer ses apprentissages à ses congénères par fusion. Donc il est capable de tas de choses qui pourraient le mettre vraiment dans la classe des organismes intelligents. Il n'y a pas eu d'expérience sur la mémoire en fait dans l'espace. D'ailleurs, l'expérience qu'on a lancée n'est pas non plus une expérience sur la mémoire, mais le blob était déjà parti dans l'espace 2 fois. À la première fois, il était parti dans une navette et les gens avaient regardé en fait le flux cytoplasmique, c'est-à-dire le liquide, le sang du blob à l'intérieur. Donc ils l'avaient observé juste pendant 1h30, donc pas du tout de comportement, c'était vraiment des expériences de biologie cellulaire. Et il est surtout parti en Nanosat dans les années 80 avec les Russes, donc dans un gros satellite. Là, il est parti 18 jours et il est revenu, puisque c'était des satellites à l'époque que les Russes envoyaient et récupéraient. Et il est parti avec des rats, plein de rats. Et c'était les rats, c'est le but de l'expérience, c'est de montrer s'ils pouvaient se reproduire en un pesanteur. Et donc, on avait notre petit blob avec des rats. Et en fait, à l'époque, on n'a pas du tout filmé le comportement. Ce qu'ils avaient regardé, c'était si le blob s'était déplacé à l'intérieur de la boîte. Parce que quand le blob se déplace, il laisse des traces derrière lui, comme l'escargot. Et donc, ils ont pu mesurer avec ces traces la distance qu'il avait parcourue et la comparer avec des blobs sur Terre. Et ils avaient pu montrer qu'en fait, l'impesanteur avait affecté en fait sa vitesse de déplacement et son pattern d'exploration. Mais là, ce que nous, on cherche à voir plutôt dans cette expérience, c'est plutôt est-ce que le blob va partir en 3D en fait. Parce que c'est la première fois qu'il va être filmé vraiment... On va avoir son comportement en live en impesanteur. Et toi, il est grand ton blob alors maintenant ? Le blob, quand il devient assez grand, en fait, après on le coupe et on en jette une partie. Sinon après, on va faire un élevage de 500 blobs. Et au lycée, je ne suis pas sûre qu'on ait assez de nourriture après. Mais... Tu peux nous décrire une autre expérience aussi ? Ben, on a fait aussi celle du colorant. Donc là, on prend un colorant alimentaire. Nous, on en avait pris du bleu pour voir s'il devenait vert, comme il est jaune. Et ensuite, on le fait se rencontrer avec un autre blob. Normalement, le blob est jaune, mais après, on peut avoir un blob bleu, vert et de toutes les couleurs. Et le tien, ça a donné quoi ? Le nôtre, il était vert. Et là, est-ce que tu attends des réponses par rapport à Thomas Pesquet, qui lui aussi a élevé son blob en apesanteur ? Est-ce qu'il y a des choses différentes qui vont se passer par rapport au fait qu'il n'y ait pas de gravité ? Avec la gravité terrestre, il est tout plat, mais dans l'espace, je pense que... Il va grossir, il va peut-être former des boules aussi, et peut-être grimper sur des colonnes. Voilà. Ton prénom, c'est comment ? C'est Guillaume, j'ai 15 ans. Bon, et tu es impatient de cette communication avec la Station Spatiale Internationale ? Oui, oui. Au début, quand on nous a proposé de nous inscrire au Blob, je pensais que c'était juste pour faire des expériences. Voilà, et quand j'ai su qu'après il y aurait une conférence avec Thomas Pesquet en direct, j'étais très content, j'avais hâte de venir aussi. Tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grand ? J'aimerais bien faire un métier dans l'astronomie. J'ai déjà quelques idées, j'aime bien l'astrophysique, l'exobiologie aussi, ça pourrait m'intéresser. Mais depuis tout petit, j'aime bien les étoiles, tout ça. Je vais inviter tout de suite nos trois prochains intervenants, à savoir Evelyne Cortia, c'est elle qui s'occupe de toute l'éducation et la jeunesse au CNES, au Centre National d'Études Spatiales. Christine Girard, qui est la directrice de communication adjointe au CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique. Et puis Audrey Dussutour, grande spécialiste du blob, directrice de recherche CNRS. Elle aussi, les voilà. Mais ravi de vous avoir. Parmi nous, alors cette histoire de blob, là, maintenant on va se lâcher un peu sur le blob, j'ai l'impression, pendant 20 minutes. Hein. D'abord, moi j'ai une question. Evelyne Cortiade, vous avez eu visiblement l'idée de ce projet un peu fou. Comment ça s'est passé ? D'où ça vient ce projet de blob dans l'espace, dans la mission Alpha ? La mission de Thomas Pesquet s'est présentée comme une nouvelle opportunité de proposer un projet ponctuel, mais inédit. En 2019, une chercheuse du CNRS, Audrey Dussutour, est venue au CNES parler du blob. C'était la première fois qu'on l'entendait parler, pour la plupart. Et elle a fasciné son auditoire. On pressentait que cet étrange organisme unicellulaire pouvait éveiller la curiosité chez les plus jeunes, comme elle avait éveillé chez les plus grands. Lorsque nous avons lancé l'opération, on avait dimensionné le dispositif pour 2000 établissements. Or, on a eu plus de 4500 inscriptions. Eh bien, avec l'accord du CNRS, on a fait produire 2500 blobs supplémentaires pour pouvoir satisfaire toutes les demandes. Alors, on a renommé le blob. Alors effectivement, ils travaillent sur le processus d'endormir et de réveiller ce blob, ce qui est assez fabuleux. On a reçu au collège début septembre des blobs endormis, donc ils ont été réveillés puis réendormis pour comprendre un petit peu le processus, comment ça fonctionne pour cette fabuleuse possibilité de pouvoir endormir et réveiller les blobs. La recherche, elle sort des labos et Audrey... du futur, on est une spécialiste. Le blob, peut-être un rappel un général, petit, ouais, pas voilà. Même sur... On va faire un petit rappel pour ouais, ceux qui ne sauraient rappel. Pas ce qu'est le blob. Au 17e, on croyait que c'était une plante. Au 19e, on pensait que c'était un champignon. Et il a fallu attendre la fin du 20e siècle pour comprendre ce qu'était le blob. parce qu'il a des capacités absolument incroyables. Il se déplace comme un animal, il a la couleur d'une plante, et des fois, il fait des fructifications comme les champignons. Donc vraiment, les scientifiques, ça les rendait fous, parce qu'on vous parle à l'école des plantes, des champignons et des animaux, mais tout le reste, on ne vous en parle pas. C'est très dommage, parce qu'il y a des organismes absolument exceptionnels, autant que le blob, en réalité. Et si vous voyez, dans cet arbre, il y a un groupe qui s'appelle les amibozoaires. Alors, c'est un nom un petit peu barbare, mais vous voyez, c'est notre cousin. Alors, nous, on est représentés par les suricates, on est des cousins des champignons. En réalité, on est un peu plus proche du cep que du blob, puisque le blob, il a divergé il y a un peu plus longtemps. Donc, dans le règne des amibozoaires, en réalité, vous allez trouver des organismes composés d'une seule cellule, et leur particularité, c'est de ne pas avoir de forme, de se déplacer par des excroissances qu'on appelle des pseudopodes. Et la plupart du temps, les amibozoaires sont tout petits, 10 microns, on en trouve de 200 microns. Et là, dans ces amibozoaires, on a une classe particulière qui s'appelle les myxomycètes, du grec champignon gluant. Alors, il existe plus de 1000 espèces de myxomycètes connues, mais 10 000 estimées, on ne connaît pas toute la diversité des myxomycètes. Et leur particularité, c'est qu'ils sont largement visibles à l'œil nu, puisque vous voyez ici des photos en forêt de cette énorme biodiversité des myxomycètes. Donc on en a qui ressemblent à des fraises tagada, d'autres à des joyaux littéralement, d'autres à des spaghettis. On a toutes les formes et toutes les couleurs que peut nous offrir la nature. Et donc vous, dans vos classes avec Élève ton blob, vous travaillez sur une espèce particulière qui a été surnommée le blob, mais qui s'appelle en réalité Physarum polycéphalum. Là, c'est les endroits où vous pouvez le trouver, donc dans la litière des feuilles, sur les troncs des arbres. Et Physarum polycéphalum, il est composé d'une seule cellule, mais celle-ci peut atteindre plusieurs mètres carrés. Donc on n'est plus du tout dans la dimension des cellules classiques. Et les myxomycètes, dans la nature, ils ne mangent pas des flocons d'avoine, ils mangent des bactéries quand ils sont tout petits, ou sinon des champignons quand ils deviennent plus gros, quand on les voit visibles à l'œil nu, vous les voyez ici dévorer des champignons. Et ils ont une importance fondamentale dans la nature, pourquoi? Parce qu'ils mangent de la matière organique et ensuite ils vont relarguer des minéraux qui, eux, vont être capturés par les plantes. Donc c'est un petit peu comme si les myxomycètes nourrissaient les plantes. Il faut savoir que si vous allez en forêt et vous prenez un gramme de sol, une cuillère à café de sol, vous avez plusieurs dizaines de milliers de myxomycètes. Parce qu'en réalité, vous allez les trouver sous forme de spores, souvent dans la nature, et c'est que quand les conditions sont absolument idéales que vous allez voir grossir ces gros plasmodes que vous avez dans vos classes. Bonjour, comment tu t'appelles ? Gaël Léandro Cuc. Et tu viens de quelle ville ? Grouillé. Ma classe, on a plutôt essayé de rendormir un blob. On le met sur du papier filtre, asséché pendant une semaine ou quelques jours de plus. Et en fait, ça donne... Une sclérotre. Ensuite, on a le blob endormi, il suffit de le réveiller et on peut avoir un autre blob. Et là, le tien, il dort encore ? Ben, disons qu'on essaie de le faire dormir. Alors, on aura le résultat dans pas longtemps. Mais on ne sait pas encore si on a réussi ou pas. Vous allez être vous-même acteur de la science, produire des nouvelles connaissances. Et vous allez expérimenter les conséquences du réchauffement climatique directement chez vous, sur un organisme que moi, personnellement, je trouve très attachant et que je suis sûre que vous avez trouvé très attachant. Merci beaucoup, Audrey, pour ce rappel et puis cette annonce. Donc, Élève ton blob se porte bien. Le projet va vraiment démarrer à venir. Il va démarrer la semaine prochaine. Ce qu'on peut dire, et vous le savez tous, c'est que Thomas Pesquet a déjà fait l'expérience à bord. On ne peut pas dévoiler maintenant ce qui s'est réellement passé, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que les blobs ont bien tous été réveillés. Ils sont sortis de leur dormance dans la blob box. Et Thomas a pu mener l'expérience comme convenu. On a travaillé avec différentes espèces de blobs aussi. On a travaillé avec Audrey du Sautour en partenariat, avec une visio, etc. On a travaillé sur des labyrinthes pour voir s'ils retrouvaient la nourriture, etc. Et effectivement, c'était assez bluffant de le voir en déplacement. Voilà, c'est un vrai sujet d'étude. Je me crève sur le projet parce qu'en physique-chimie, on travaille beaucoup sur l'astrophysique, en quatrième notamment. Ça les fait rigoler parce qu'il y a, il y a déjà un poster de Thomas Pesquet au fond de la salle de physique de sa précédente mission Proxima. Et donc régulièrement, les élèves s'interrogent, me posent des questions, comment ça se passe, c'est bien la deuxième fois qu'il y va, oui, et qu'est-ce qu'il fait là-haut et pourquoi on y va, comment ça se passe là-haut. C'est un sujet qui les intéresse beaucoup et qui, nous, en tant qu'enseignants, nous permet de les amener à faire des sciences et à les intéresser aux sciences. C'est pas juste faire un cours un peu classique, mais un sujet qui les intéresse. Donc on a réussi, même pour un mercredi après-midi, à réunir une équipe de 4e et de 3e motivés pour venir assister à la visioconférence. Ils sont tous très enthousiastes. Bon, on va aller suivre la communication en direct. Merci beaucoup. Je vais demander à Rémi Canton de me rejoindre. Rémi Canton du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, laboratoire CADMOS. C'est lui le responsable de toutes les expériences scientifiques françaises embarqué dans ISS pour la mission Alpha. Alors, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand Thomas Pesquet, l'astronaute, va faire une liaison comme ça? Alors, il y a des choses un petit peu terre à terre. Alors, on voit le centre de contrôle de Houston, la MCCH. Donc, Thomas doit être installé dans le module Columbus. Il doit, comme nous, vérifier que son micro marche bien. Voilà, avec les piles. Agency, this is Mission Control of Houston. Please call station for a voice check. Thomas, this is Toulouse. Can you hear us? Bonjour commandant Pesquet, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien, merci de la présentation. Bon, écoute, on est vraiment ravis que tu sois avec nous cet après-midi. Je parle au nom de tous les élèves qui sont ici à la Cité de l'Espace à Toulouse, dans toute la France. On va commencer tout de suite à les questions. Ça va commencer avec Émeric. Première question, Émeric. Allô Thomas, ici la Terre. Bonjour, je m'appelle Léane et je suis en 3e au collège Louis Pasteur de Groyer. Est-ce que différentes plantes peuvent pousser en apesanteur dans l'ISS? Nous posons cette question pour savoir s'il est possible de créer de la biodiversité dans l'espace. Alors, c'est une super question. On peut faire pousser des plantes dans l'ISS, mais c'est évidemment un petit peu compliqué. Tu vois, on n'a pas d'environnement naturel vraiment dans lequel faire pousser des plantes. Donc il faut recréer un peu comme une serre, tu sais, sur Terre, avec de la terre, mais la terre, ça s'envolerait, tu vois, il n'y a rien qui la fait rester au sol. Arroser ces plantes, c'est difficile, tu imagines, l'eau, ça coule pas, donc on injecte avec des seringues. La lumière, elle est artificielle, on n'a pas de lumière du soleil, il faut des éclairages artificiels. Donc c'est un petit peu plus compliqué que sur Terre, et c'est utile pour nous aujourd'hui dans la station spatiale, mais ça sera encore plus quand on ira plus loin, vers la Lune, vers Mars, on aura besoin de produire sa propre nourriture. Ben là, on n'aura pas trop d'autres choix, il faudra faire pousser des plantes, notre nourriture à bord de la station spatiale, et c'est à ça qu'on se prépare aujourd'hui dans l'ISS. Bonjour Thomas, bonjour à tous, je suis Marie-Lou Gély, élève de terminale au lycée Marie Curie, et voici ma question. Est-ce qu'avec tes coéquipiers à bord de l'ISS, vous faites du recyclage? Et si oui, comment y parvenez-vous? Oui, on fait du recyclage, évidemment, parce que si on a un milieu fermé, c'est compliqué d'amener des ressources à bord de l'ISS, tu vois, pour avoir à manger, pour avoir de l'air, de l'oxygène, de l'eau. Il faut l'amener de la Terre, donc t'imagines un peu la difficulté. Donc on essaie de tout réutiliser le maximum possible, notamment les eaux usées. Tu sais, toutes les eaux usées sont collectées, que ce soit l'eau des toilettes, la condensation dans l'atmosphère. Elle est collectée, elle est traitée, elle est réinjectée dans le système d'eau potable. Donc tu vois, on recycle notre eau quasiment, alors pas à 100%, mais on va dire à 90%. L'air, c'est la même chose. Et on essaye maintenant de plus en plus de recycler aussi nos emballages. On a une expérience du CNES notamment, parce qu'on s'est rendu compte que pour envoyer des choses dans l'espace, il faut des emballages pour les protéger. C'est comme quand tu achètes de la nourriture, c'est dans les emballages pour la protection et pour la conservation. Et ben nous, ça nous embête un petit peu d'avoir ces emballages qui servent à rien et qui sont de la masse, du poids envoyé de la Terre. Donc on a essayé de les faire d'abord recyclables, et dans un deuxième temps, on va carrément les faire comestibles. Ça, ce serait vraiment super d'avoir ce volume et cette masse et ces déchets qu'on crée, que ça puisse se transformer en nourriture, qu'on puisse manger nos emballages. Ça nous aidera beaucoup dans la station spatiale, et puis évidemment, c'est des technologies qu'on pourra appliquer sur Terre. Bonjour Thomas, je m'appelle Yann, je suis en 3e 5 au collège Léo Ferré de Gourdon. Et j'aimerais te demander comment tu vois les effets du dérèglement climatique depuis l'ISS et quelle évolution as-tu remarqué entre 2017 et 2021? Merci Yann, c'est une bonne question. Écoute, effectivement, moi je les avais déjà constaté, en fait, les conséquences néfastes de l'activité humaine en général, dont le changement climatique, entre autres. Je les avais constaté en 2017, je les constate encore en 2021. Encore une fois, je vois pas vraiment d'amélioration, mais c'est une vue personnelle, il faut une vue scientifique pour conclure, il faut toutes les données des satellites, il faut que les scientifiques fassent leurs statistiques, c'est ça qui est important, c'est en ça qu'il faut avoir confiance, pas juste en l'opinion de quelqu'un qui a l'impression, même si c'est moi ou n'importe qui d'autre. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que des différences, il y en a notamment dans la fréquence des tempêtes tropicales qu'on a observées. Alors cette fois-ci, je vole l'été. La dernière fois, j'étais dans la station pendant l'hiver, donc il y en a moins. Mais là, aujourd'hui, en discutant avec mes collègues, on a l'impression qu'il y a vraiment plus de succession d'ouragans, de tornades, tu sais, par exemple dans le golfe du Mexique, dans l'Atlantique Sud, ou en Asie du Sud-Est. Et ça, c'est une conséquence directe, en fait, des phénomènes météorologiques violents qui se multiplient en intensité et aussi en nombre. Ça, c'est une des conséquences du réchauffement climatique. Et ça, on est là aux premières loges, malheureusement, pour les... Je m'appelle Amira du collège Georges Sand de Toulouse. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pu observer lors des grands feux de forêt cet été ? C'était effectivement des spectacles un peu tristes parce qu'on les voit très nettement, hein, tu sais, depuis la station spatiale. Alors les nuages, c'est toujours blanc, on voit beaucoup de nuages blancs. Les fumées de feu, c'est jamais blanc, hein, c'est toujours marron, noir, gris. Donc on le voit tout de suite, on voit très bien, même à 400 km de distance, on voit la différence entre une fumée de feu et juste ce qui pourrait être un nuage. Donc on en a vu malheureusement un peu partout, en Grèce, en Turquie, en Méditerranée, même en France ou en Corse. On en a vu aussi beaucoup, beaucoup en Californie et au Canada. C'était impressionnant, il y avait des surfaces de feu qui étaient immenses. Et puis ce qu'on voyait aussi beaucoup de l'espace, c'est comme une couche de cendres ou de nuages de fumée qui recouvre presque toute la Californie, ou la moitié de la Californie. Alors de la terre, on le voit un petit peu, il fait un peu plus gris, mais on se rend pas compte. De l'espace, c'est carrément un voile de nuages qui est tellement grand et qui est tellement gris et marron qui recouvre une région entière. Donc ça, on voyait très très très nettement. Malheureusement, on a pu observer ça pendant la mission. C'est un rêve en soi de parler à Thomas Pesquet et de lui parler pendant qu'il est dans l'espace, c'est vraiment incroyable. Et toi, comment tu t'appelles et tu as quel âge ? Je m'appelle Abdallah Boucherid, j'ai 17 ans. Et donc toi, tu élèves un blob aussi, tu fais les expériences ? Nous aussi, on fait l'expérience du blob et on va le prendre pendant une semaine en photo chaque heure pour voir comment il se déplace. Et on a fait deux petites boîtes avec du flocon d'avoine pour voir comment il se déplace et vers quelle avoine il va se diriger. Et pendant la liaison, on a vu Thomas Pesquet qui volait comme ça en apesanteur et qui avait le visage un peu gonflé depuis le temps qu'il est dans l'espace. Il ressemble à Superman. Oui, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il a fait de la chirurgie esthétique ? Parce que ses pommettes, elles étaient bien relevées, bien pompées. Je me suis dit, s'il a fait de la chirurgie esthétique, mais non, c'est juste l'espace. Et dans les questions et les réponses, qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Au tout début, je ne savais pas ce que c'était vraiment un tardigrade. Je me suis quand même renseigné avant de lui poser la question et sa réponse était assez bien développée et ça nous a plus éclairé. Bonjour Thomas, on a suivi tes activités de nourrissage des tardigrades. Peux-tu nous en dire plus sur cette expérience s'il te plaît ? Oui Abdallah, c'est une expérience qui est assez fascinante parce que c'est des créatures microscopiques mais qui résistent à tout si tu veux. On en a même eu à l'extérieur de l'ISS, donc si tu veux il n'y a pas d'air. Les températures, ça va de plus 150 degrés à moins 150 degrés. Il n'y a absolument évidemment rien à manger, rien à boire, rien à respirer. Et pourtant, ils ont survécu à l'extérieur de l'ISS. On ne sait pas tellement comment ils font. On essaie de regarder, si tu veux, un peu dans leur ADN, dans leur code génétique, dans la manière dont ils fonctionnent, comment ils mettent en place ces capacités de survie absolument incroyables. Ce qu'on veut essayer d'apprendre, c'est est-ce que cette adaptation à l'espace dont ils font preuve, elle pourrait être transmise ou plus ou moins adaptée ou utilisée d'une manière ou d'une autre pour les humains. Et est-ce que ça peut nous aussi apprendre des choses sur la résistance aux environnements extrêmes ou la résistance à des conditions difficiles sur Terre. C'est un petit peu ça qu'on cherche en utilisant ces animaux microscopiques comme cobayes un petit peu. Et on essaye au final de faire en sorte que les humains soient en meilleure santé. C'est simple que ça. Bonjour Thomas, je m'appelle Amel. Je suis en CM2 en classe... J'ai un CM2 à l'école Renan à Toulouse. Tu es commandant de l'ISS depuis 2 jours. En quoi cela consiste ? C'est un peu comme être le capitaine d'une équipe de foot. Quand tout se passe bien, écoute, tu as juste besoin d'être un peu l'interface avec les gens qui travaillent au centre de contrôle. que l'équipage est impliqué dans les décisions, que tout le monde a les informations, que tout le monde est content, donc ça se passe plutôt bien. C'est parfois donné un peu des grandes directions. Ensuite, tu sais, à bord de la station, tout le monde est très très professionnel. Il n'y a pas besoin de faire du babysitting avec mes collègues, tu sais, ils se débrouillent très bien tout seuls. Parfois, il y a juste un consensus à avoir, que tout le monde soit d'accord, et ça, c'est mon rôle de trouver ça. Ça, c'est dans le cas où tout va bien. Dans le cas où on aurait des pannes, le feu, ou des choses comme ça, ben, tu sais, c'est comme dans un avion ou dans un bateau. Il faut qu'il y ait une seule personne qui décide, parce qu'on peut pas se permettre que les choses flottent un peu, soient compliquées, que les gens soient pas d'accord. Il y a une personne qui a l'autorité, qui va prendre les décisions, et c'est le commandant de la station. Donc ça, c'est mon rôle. On espère qu'on n'aura jamais à l'appliquer, évidemment, parce qu'on espère que tout va aller bien. Mais si c'était pas le cas, bah, ce serait à moi de faire que les choses restent quand même sous contrôle. Bonjour Thomas, je m'appelle Mohamed du collège Georges Sand de Toulouse. Tu as effectué 3 sorties extravéhiculaires pour changer le panneau de l'ISS. Quelles sont les prochaines opérations de maintenance prévues? Oui, écoute, on en a même fait, j'en ai fait 4 en tout, tu sais, 3 pour installer des nouveaux pinceurs, on devait en faire 2, mais c'est plus compliqué qu'on pensait, tu sais, c'est comme quand tu fais du bricolage à la maison, parfois tu te dis ça va me prendre 1 heure et puis ça te prend toute la journée. Nous, c'était un petit peu pareil, mais à l'extérieur de l'ISF, heureusement, à la fin, on a réussi, donc c'est bien. Et ensuite, on est allé préparer, et ben, la suite, tu sais, on a installé 2 nouveaux panneaux solaires, en tout, il va y en avoir 6 installés, on en a 4 nouveaux qui vont être installés par mes collègues, hein, dans le futur. Et à l'extérieur de la station, tu sais, il y a toujours quelque chose à faire. On a remplacé aussi un appareil de mesure, en fait, du potentiel électrique, on va dire de l'électricité statique sur la station. On avait aussi des câbles à dérouler. Parfois, on va changer une caméra. À l'extérieur de la station, on a des caméras. Il y a toujours des choses à faire. Là, les prochaines opérations de maintenance, ça va être installer encore et toujours des panneaux solaires jusqu'à ce que ces 6 panneaux solaires soient installés. Et côté russe de la station, donc avec le système de scaphandre russe, ben eux, ils ont intégré un nouveau module. Ils ont beaucoup de branchements de câbles, essentiellement, à effectuer à l'extérieur de la station et c'est pas fini. Moi, j'ai peur pour lui. J'ai peur qu'à un moment, il se détache et qu'il s'envole dans l'espace. Du coup, ça, c'est un peu une des peurs que j'ai pour lui et pour les autres astronautes. Mais sinon, à part ça, son métier, il est vraiment incroyable. Oui, ils font un métier très courageux. On se rend pas compte, mais c'est vrai qu'ils parlent jamais d'avoir peur, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Moi, j'aimerais beaucoup être médecin. Après, peut-être dans une autre vie, j'ai d'autres rêves, peut-être être astronaute, être pilote d'avion militaire un peu. Mais dans cette vie, qui est la seule, ben, j'aimerais être médecin. Bonjour Thomas, je m'appelle Charles Elie et je voulais te demander, étant donné que tu n'es plus soumis à l'atmosphère terrestre, est-ce que certains rayonnements du soleil, tels que les rayonnements ultraviolets, sont plus dangereux pour toi? On reçoit une dose de radiation qui est un peu plus forte dans la station spatiale. Alors tu sais, sur Terre, ça dépend aussi des endroits où on habite. Si tu voles en avion à haute altitude, bah, tu es moins protégé par le champ magnétique terrestre, par l'atmosphère terrestre. Donc tu es aussi un tout petit peu plus exposé à des radiations. Et bah, nous, dans la station, on est très haut, donc on est à peu près entre 100 et 200 fois la dose qu'on reçoit sur Terre. Alors, ça va pas nous rendre malade, tu sais, c'est quand même, tout ça c'est calculé, on a des médecins qui nous suivent, mais c'est aussi ça, un des problèmes qu'on a si on veut aller sur Mars, ce sera un voyage très long, très loin de la Terre, donc aucune protection, à part le blindage de notre station, donc on serait exposé à des doses de radiation, de rayonnement qui seraient un peu trop hautes, donc c'est un des problèmes qu'on essaie de résoudre pour pouvoir aller sur Mars. Et ça tombe bien, parce qu'à bord de la station, on a des expériences qui regardent comment mesurer la dose de radiation reçue, et puis surtout comment protéger les astronautes, les humains en général, pour pouvoir un jour aller de plus en plus loin dans l'espace. On va arriver bientôt à la fin de l'InFlight Call. Thomas, on voudrait vraiment te remercier pour toutes ces questions. On a hâte de te revoir sur Terre, à la Cité de l'Espace, à Toulouse. On aura sûrement l'occasion de te revoir. On voudrait vraiment sincèrement te remercier pour toute ta gentillesse et le temps que tu as pu passer. Tu es prêt pour le retour? Ça y est, encore quelques peut-être opérations à mener, mais ça va aller? Oui, ça va aller, on a pas mal de choses qui se passent, on a des visiteurs, un nouveau Soyouz russe, on a nos collègues qui vont arriver avec mon collègue allemand, et puis 2-3 choses à faire avant de rentrer, je serai content de rentrer, ce sera un grand plaisir de venir vous rendre visite à Toulouse, à la Cité de l'Espace. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt. Merci à vous. À bientôt, Thomas. Merci. Je vais accueillir aussi tous les élèves qui sont sur scène et qui ont posé ces questions, c'est pas évident du tout. Cet exercice-là avec Thomas, maintenant la liaison vient de se terminer. Je connaissais l'importance de la végétation et l'action de l'homme sur la biodiversité, mais pas l'action de la biodiversité en elle-même sur l'environnement, avec la sauvegarde du carbone ou une forme un peu plus poussée d'autorégulation de l'environnement et des animaux dans la biodiversité. C'est intéressant aussi quand Thomas Pesquet insistait sur le fait qu'il ait vu quelque chose de là-haut, ça ne suffisait pas, qu'il fallait beaucoup d'études scientifiques. Quand on observe depuis là-haut, il a déjà un certain nombre de connaissances et ça doit pouvoir influencer ce qu'il pense voir ou interpréter. Je pense que c'est assez normal de devoir faire attention aux interprétations qu'on peut avoir de ce qu'on observe et de ne pas directement venir à des conclusions. Il a parlé de la difficulté de cultiver des plantes aussi, puisque du coup on ne peut pas mettre de la terre au sol et arroser avec de l'eau, puisque l'eau ne coule pas et la terre ne reste pas au sol. Il disait qu'on utilisait donc des seringues pour directement hydrater la terre ou les plantes. Effectivement, pour les blobs, on peut se demander de quelle manière ils vont procéder pour les alimenter. On sait que les blobs sont des êtres vivants extrêmement sensibles, et cela même sans système nerveux. Donc peut-être qu'ils arriveront à trouver une différence entre l'apesanteur et l'absence de pesanteur. Qui sait, peut-être même une forme de déplacement en trois dimensions un peu plus fluide. Ce qui pourrait être assez intéressant à observer. C'est quoi ton prénom ? Raphaël Grosin. Merci Raphaël. Audrey du Sutur, j'ai l'impression que vous lancez des premières. On ne m'arrête pas, on n'arrête surtout pas le blob en réalité. Le blob, il a envahi tout. Et en réalité, mon souhait le plus cher, ça serait que le blob il devienne en fait un outil pédagogique parce que ben, les animaux ont été enlevés des écoles pour des raisons d'allergie, etc. Il n'y a plus de lapins, cochons d'Inde, tout ça hein, dans les écoles. Et le blob finalement offre l'opportunité aux enfants à nouveau d'observer le vivant, d'expérimenter dessus, tout en bien sûr en le respectant. Et ça leur donne vraiment une petite âme de petits chercheurs parce que là, moi j'administre une page Facebook où il y a plus de 7000 enseignants. Et d'ailleurs, je suis admirative du travail de nos enseignants. Là, ils travaillent depuis le mois d'août à fond, ils travaillent le soir, ils travaillent le matin sur cette expérience. Ils sont vraiment à fond, ils ont dû se former sur ce projet. Et ils me le disent eux-mêmes, le blob, il permet aux enfants d'écrire, puisqu'ils racontent la journée du blob, donc ils font un peu des rédactions, il permet de créer, parce qu'ils font de l'art avec. Même la notion d'individualité, de discuter philosophie, par exemple qu'il ait 720 types sexuels, ça ouvre le champ des possibles aussi. Et je pense qu'à travers le blob, on peut finalement aborder de nombreux sujets, et pas que de la science. C'était Élève ton blob dans l'espace avec Sylvestre Maurice, Jean-Baptiste Desbois et Nicolas Berton, Jacques Arnoux, Roland Lehouc, Christophe Bonal, Florence Porcel, Thomas Pesquet et Audrey Dussutour. Merci aux élèves et enseignants de l'opération hashtag Élève ton blob. Merci aussi au CNES et à la Cité de l'espace. Archivina Haute-Vassan. Documentation musicale Virginie Gresset. Prise de son Hélène Langlois, Julie Garraud. Mixage Pierre-Henri. Réalisation Jean-Philippe Navarre. Un documentaire de Lydia Benitzrak. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en Guyane, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, le fil d'Ariane. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.